tu piques. T'es grand, t'es vert. Cactus, cactus, je m'explique. J'attends, je t'espère. Cactus, cactus, comme un flic, tu mauvais sens. Pour ta carrière, cactus, cactus, tu piques, t'es manquant, tout à l'envers.